veut les love. Nouveau métaux et des fers et des ensembles de la NFL. Afrique de l'Ouest, on sait là-bas qu'on dessert si ça t-shirt à MSL. Faille après autant de pets, gros de shit, Molenbeek. Je veux le bif à EA Sports, 667, je veux les OF morts. Rouleur pro, OV salé, roule hôpitaux qui vendent, qui neige ou bien qui pleuve. J'suis comme Cheech, j'suis dans les pièges de luxe, mais fut la pierre de lune. Crush, coffee, combi, dush, coffee, frise, mets le lin dans le burn. Niveau concu, c'est hoche, tant s'il y a pire que Nada dans le cup. J'suis sur la lignée de bouche, Nathalie aussi. Dame ça accroît, comme le prix du baril aussi. Fuck le coët, hein? Abu Dhabi aussi. Trop de moutons. Dagne aussi, Osiris pape noir négro, débarque en tsar noir négro, arrive en loose, 9-4, trap noir négro. Trap noir négro, 9-4, débarque tsar noir négro. OVG Dakar, le Somo CV, JBPK, GK qui Santana au réveil. Desert Storm, sur la prod, 2K19, ça les tabasse sur les mains. On veut les tympas au talon, différentes sortes de longs canons, S au roi. J'ai les données dans ma tête, tout ce que tu sais, nous savons. Le flow s'exporte jusqu'au ciné saloum. Le MS clan négro comme le canoun. On aggrave les canines, 3K la négro que pour les canons. Fumée blanche, avec nos terres on brûle le réseau. 667, 16 négro, tu nous laisses, on brûle ta maison. Différents couches dans le sang, qui lui sont tous dans le clan, ils font que des bouches dans le vent. Là pour un billet coétien, j'ai radic chaque inscrit au bohémien. Tu passes à peine les califs, instaure nouveau régime, new calif. 4 de 9, pas de Thalys, ça cher gros, pas de Cali. Tu passes à peine les califs, instaure nouveau régime, new calif. Le 4 de 9, pas de Thalys, ça cher gros, pas de Cali.